Chapitre 11. À peine les deux enfants furent-ils sortis du salon, que Madeleine dit vivement à son amie « Nous voici seuls, Sophie. Je t'en conjure, réponds-moi. Qu'as-tu ? D'où vient cet accablement soudain ? L'absence, l'éloignement m'ont-ils donc fait perdre ta confiance ?» Sophie eut assez de courage pour surmonter son accablement et cacher, sans mentir cependant, un pénible secret qui n'était pas le sien. N'osant avouer, même à sa meilleure amie, la ruine prochaine et probable de Dutertre, elle répondit à Madeleine avec un calme apparent « S'il faut te dire ma faiblesse, mon ami, je partage parfois, en me les exagérant, quelques-unes des préoccupations de mon mari au sujet de la crise, passagère sans doute, où se trouve l'industrie. Car, ajouta Sophie en tâchant de sourire, Madame la marquise ignore sans doute que nous autres, modestes industriels, nous éprouvons un moment de crise. » « Mais cette crise, ma chère Sophie, n'est que passagère, n'est-ce pas ? Elle n'a rien de grave, ou si elle le devient, qu'est-il à faire pour la rendre moins pénible pour toi et ton mari ? Sans être très riche, je vis dans l'aisance, est-ce que je ne pourrais pas... »« Bonne, excellente amie !» dit Sophie en interrompant Madeleine avec émotion. « Toujours le même cœur, rassure-toi. Ce moment de crise ne sera, je l'espère, que passager. Ne parlons plus de cela. » « Laisse-moi être toute à la joie de te revoir. »« Mais enfin, si tes inquiétudes... »« Madeleine !» reprit Sophie en souriant avec douceur et en interrompant de nouveau son amie. « D'abord, parlons de toi. »« Égoïste !»« C'est vrai, à ta façon. »« Mais dis-moi, tu es heureuse. »« N'est-ce pas ? Car toute marquise que tu sois, tu as sans doute fait comme moi un mariage d'amour. »« Et ton mari ?»« Je suis veuve. » « Oh mon Dieu, déjà ?»« Je l'étais la veille de mes noces, ma chère Sophie. »« Que veux-tu dire ?»« Si extraordinaire que cela te semble, c'est pourtant bien simple. Écoute-moi. En sortant de pension et de retour au Mexique, où j'avais été mandé, tu le sais, par mon père, je n'ai plus trouvé qu'un parent de ma mère, le marquis de Miranda, mortellement atteint des suites de l'épidémie qui venait de ravager Lima. » Il m'avait vue toute petite, il n'avait pas d'enfant, il savait la fortune de mon père presque entièrement perdue par de ruineux procès. Il fut pour moi d'une bonté paternelle. Presque à son lit de mort, il me proposa sa main. « Accepte, ma chère Magdalena, ma pauvre orpheline, me dit-il. Mon nom te donnera une position sociale, ma fortune assurera ton indépendance, et je mourrai content de te savoir heureuse. »« Noble cœur, dit Sophie. » « Oui, reprit Madeleine avec émotion, c'était le meilleur des hommes. L'isolement où je me voyais, les instances me firent accepter son offre généreuse. Le prêtre vint auprès de son lit consacrer notre union, et la cérémonie se terminait à peine que la main de M. de Miranda se glaçait dans la mienne. « Madeleine, pardon, dit Mme Dutertre involontairement, je t'ai attristé en te rappelant de pénibles souvenirs. »« Pénibles, non. » C'est avec une douce mélancolie que je songe à M. de Miranda. L'ingratitude seule est amère au cœur. Et si jeune encore, ta liberté ne te gêne pas? Seule, sans famille, tu t'es habituée à cette vie d'isolement? Je me crois la plus heureuse des femmes. Après toi, bien entendu, reprit Madeleine en souriant. Et il ne t'est pas venu à la pensée de te remarier, ou plutôt, ajouta Sophie en souriant à son tour, ou plutôt de te marier? Car enfin, malgré ton veuvage, tu es toujours demoiselle. À toi, bonne Sophie, je ne cache rien. Eh bien si. Une fois, j'ai eu envie de me marier, comme tu dis. Ça a été une grande passion, tout un roman. Reprit gaiement Madeleine. Libre, comme tu es, qui a empêché ce mariage? Hélas, je n'ai vu mon héros que pendant 5 minutes, et de mon balcon encore. 5 minutes seulement? Pas davantage. Et tu l'as aimé tout de suite? « Passionnément. Et tu ne l'as jamais rencontré depuis ?»« Jamais. » »« Il est sans doute remonté au ciel parmi ses frères les archanges, dont il avait l'idéale beauté. »« Madeleine, parles-tu sérieusement ?»« Écoute. Il y a 6 mois, j'étais à Vienne. J'habitais une campagne située près des faubourgs de la ville. Un matin, je me trouvais dans un kiosque dont la fenêtre s'ouvrait sur la campagne. » Soudain, mon attention est attirée par le bruit d'un piétinement sourd et d'un choc d'épée. Je cours à ma fenêtre, c'était un duel. Oh mon Dieu ! Un jeune homme de 19 à 20 ans au plus, gracieux et beau comme on peint les anges, se battait avec une sorte de géant d'une figure féroce. Mon premier vœu fut que le blond archange, car ma passion est blonde, triompha de l'horrible démon. Et quoique le combat n'ait duré devant moi que 2 minutes à peine, j'eus le temps d'admirer l'intrépidité, le calme et l'adresse de mon héros. Sa blanche poitrine demi-nue, ses longs cheveux blonds flottant au vent, le front serein, les yeux brillants, le sourire aux lèvres, il semblait braver le péril avec une grâce charmante, et à ce moment, je te l'avoue, sa beauté me parut surhumaine. Soudain, au milieu de l'espèce d'éblouissement que me causait le scintillement des épées, je vis le colosse chanceler et s'affaisser sur lui-même. Aussitôt, mon beau héros, jetant son épée au loin, joignit les mains, et tombant à genoux devant son adversaire, leva vers le ciel sa figure enchanteresse où se peignait tout à coup une expression si touchante, si ingénue, qu'à le voir douloureusement penché vers son ennemi vaincu, on eût dit une jeune fille désolée de voir sa colombe blessée. Si toutefois il est permis de comparer à une colombe ce gros vilain colosse, qui du reste ne semblait pas blessé mortellement. Car il se leva sur son séant, et de sa voix rauque, qui arriva jusqu'à moi à travers les persiennes, il dit à son jeune adversaire « C'est à genoux, monsieur, que je devrais vous demander pardon de ma conduite déloyale et de ma provocation grossière. Si vous m'aviez tué, c'eût été justice. » Presque aussitôt, une voiture s'approcha. L'on y transporta le blessé. Quelques minutes ensuite, témoins ou acteurs du duel, tous avaient disparu. Cela s'était passé si rapidement que j'aurais cru avoir rêvé sans le souvenir de mon héros, qui depuis m'est toujours resté présent à la pensée comme l'idéal de ce qu'il y a de plus beau, de plus brave et de plus généreux au monde. Maintenant, Madeleine, je conçois que dans de pareilles circonstances, on puisse en 5 minutes ressentir une impression profonde, ineffaçable peut-être. Ainsi, ton héros, tu ne l'as jamais revu ? Jamais, te dis-je, j'ignore jusqu'à son nom, et si je dois me marier, ce ne sera qu'avec lui. Madeleine, tu sais que notre ancienne amitié m'autorise à être franche avec toi. Peut-il en être autrement ? Il me semble que tu portes cette grande passion bien allègrement. Pourquoi serais-je triste ? Mais quand on aime passionnément, rien de plus cruel que l'absence, que la séparation, et surtout que la crainte de ne plus revoir l'objet aimé. Il est vrai. Et pourtant les effets de cette passion profonde, je te le jure, se manifestent tout autrement chez moi. Que te dirais-je ? Lorsque j'ai commencé à aimer Charles, je serais morte de chagrin si l'on m'avait séparé de lui. C'est singulier. Ma passion en moi, je te le répète, se traduit d'une façon toute contraire. Il n'est pas de jour où je ne songe à mon héros, à mon idéal. Pas de jour où je ne me rappelle avec amour, et dans les plus petits détails, l'unique circonstance où je l'ai vu. Pas de jour où je n'élève vers lui toutes mes pensées. Pas de jour où je ne triomphe d'orgueil en le comparant à tous. Car il est plus beau que les plus beaux, plus généreux que les plus généreux. Pas de jour enfin où, grâce à lui, je ne me berce des plus beaux rêves. Oui, il me semble que mon âme est à jamais attachée à la sienne par des liens aussi mystérieux qu'indissolubles. J'ignore enfin si je le reverrai jamais, et je ne sens au cœur que charme et allégresse. À mon tour, je dis comme toi, ma chère Madeleine, c'est singulier. Voyons, Sophie, parlons sincèrement. Nous sommes seuls, et entre femmes, quoique je sois encore demoiselle à marier, on se dit tout. Tu trouves, n'est-ce pas, mon amour un peu platonique ? Tu t'étonnes de me voir insouciante ou ignorante de ce trouble enivrant que tu as dû ressentir lorsque, pour la première fois, la main de ton Charles a pressé amoureusement la tienne. Allons, Madeleine, tu es folle. Sois franche, je t'ai deviné. Un peu, mais moins que tu ne le penses. Ce peu m'a suffi pour pénétrer ta secrète pensée, madame la matérialiste. Encore une fois, Madeleine, tu es folle. Oh, oh, pas si folle. Puis, après un moment de silence, la marquise reprit en souriant. Si tu savais, Sophie, ce qu'il y a d'étrange, d'extraordinaire, je dirais presque d'incompréhensible pour moi-même dans certaines circonstances de ma vie. Que d'aventures bizarres me sont arrivées depuis que nous nous sommes quittés. Mon médecin et mon ami, le célèbre docteur Gasterini, grand philosophe d'ailleurs, m'a dit 100 fois qu'il n'y avait pas au monde une créature aussi singulièrement douée que moi. Explique-toi. Plus tard, peut-être. Pourquoi pas maintenant ? S'il s'agissait d'un chagrin épanché, est-ce que j'hésiterais? Mais malgré ce qu'il y a de très extraordinaire dans ma vie, ou peut-être à cause de cela, je me trouve, te dis-je, la plus heureuse des femmes. Attends-moi à mon premier chagrin. Et mon Dieu, tiens, à cette heure, j'ai presque du chagrin, car c'en est un que d'avoir conscience d'un manque de cœur ou de souvenir. Un manque de souvenir. Et Antonine, ne l'ai-je pas oublié depuis que je suis ici, pour ne te parler que de moi? Est-ce mal? Est-ce assez d'ingratitude? Je serai au moins aussi coupable que toi, mais nous n'avons pas de reproche à nous faire. Ce matin, elle est venue m'apporter ta lettre et m'annoncer ton arrivée. Songe à sa joie, car elle a conservé pour toi, et tu peux m'en croire, le plus tendre attachement. Pauvre petite, quel tendre et charmant naturel. Mais dis-moi, si la tenue ce qu'elle promettait, elle doit être jolie comme un ange avec ses 15 ans à peine fleuris. Tu as raison, c'est un bouton de rose pour la fraîcheur. Ajoute à cela les traits les plus fins, les plus délicats que l'on puisse rencontrer. Après la mort de sa plus proche parente, elle est, tu le sais sans doute, venue habiter avec son oncle, le président Hubert, qui a toujours été parfait pour elle. Malheureusement, il est fort gravement malade, et si elle le perdait, elle serait sans doute obligée d'aller demeurer chez des parents éloignés, et cette pensée l'attriste. D'ailleurs, tu la verras, elle te fera toutes ses confidences. Il en est une qu'elle m'a faite presque toute entière, afin de me demander mes conseils, car les circonstances étaient assez graves. Et cette confidence ? « Si vous voyez Madeleine avant moi, m'a dit Antonine, ne lui apprenez rien, ma chère Sophie. Je désire lui tout confier moi-même. C'est un droit que me donne son affection pour moi. J'ai d'autres raisons encore pour vous faire cette recommandation. Tu vois, ma chère amie, que forcément je dois être discrète. » « Je n'insiste pas pour en savoir davantage. Aujourd'hui ou demain, j'irai voir cette chère enfant, » répondit la marquise en se levant pour prendre congé de Madame Dutertre. « Tu me quittes déjà, Madeleine ? Malheureusement, il le faut. J'ai rendez-vous de 3 à 4 heures chez l'envoyé du Mexique, mon compatriote. Il doit me conduire demain chez une Altesse royale étrangère. Tu le vois, je suis dans les grandeurs. » « Une Altesse ? Tellement Altesse que, comme tous les princes appartenant aux familles souveraines étrangères, il habite l'Élysée Bourbon durant son séjour à Paris. » Madame Dutertre ne put retenir un mouvement de surprise, et dit après une minute de réflexion, « C'est singulier. Quoi donc ? Antonine habite dans une maison qui touche à l'Élysée. Cela n'a rien de bien surprenant, sans doute, mais... Mais... Je ne puis t'en dire plus, Madeleine. Lorsque tu auras entendu la confidence d'Antonine, tu comprendras pourquoi j'étais frappé d'un certain rapprochement. Qu'y a-t-il de commun entre Antonine et l'Élysée ? Encore une fois, ma chère amie, « attends les confidences d'Antonine. »« Soit, chère mystérieuse. Du reste, je ne savais pas qu'elle habitait une maison voisine du palais. Je lui avais adressé une lettre à son ancienne demeure. Cela se rencontre d'ailleurs à merveille. J'irai la voir avant ou après mon audience avec le prince. »« Allons, te voilà tout à fait grande dame. Plains-moi plutôt, ma chère Sophie, car il est question d'une supplique, non pas pour moi. » J'ai peu l'habitude de supplier, mais il s'agit de rendre un grand service à une famille proscrite et digne du plus vif intérêt. La mission est fort délicate, fort difficile. J'ai cependant consenti à m'en charger lors de mon départ de Venise, et je veux du moins tout tenter pour réussir. Certainement tu réussiras. Est-ce que l'on peut te refuser quelque chose? Souviens-toi donc à la pension, dès qu'il y avait une demande adressée à notre maîtresse, c'était toujours toi que l'on choisissait comme ambassadrice, et l'on avait raison. Car, en vérité, on dirait que tu as un talisman pour tout obtenir. « Je t'assure, ma bonne Sophie, » répondit Madeleine en souriant malgré elle, « je t'assure que je suis magicienne souvent malgré moi. »« Mon Dieu, » ajouta la marquise en riant, « que j'aurai donc à ce sujet de bonnes folies à te raconter. Enfin, plus tard, nous verrons. » « Allons, chère Sophie, adieu et à bientôt. »« Oh oui, à bientôt. Je t'en conjure. »« Mon Dieu, tu peux compter sur moi presque tous les jours, car je suis un oiseau de passage et je suis décidé à bien employer mon temps à Paris. C'est te dire si je te verrai souvent. »« Comment ? Tu penses déjà t'éloigner ? » ?»« Je ne sais. Cela dépendra de l'inspiration que me donnera mon héros, ma passion, mon idéal, car jamais je ne me décide à rien sans le consulter par la pensée. Mais comme il m'inspire toujours à merveille, je ne doute pas qu'il ne m'engage à rester auprès de toi le plus longtemps possible. Ah mon Dieu, Madeleine, mais j'y songe. Tu as dit à mon mari que tu avais un service à lui demander. C'est vrai, je l'oubliais. La chose est toute simple. Je n'entends rien aux affaires d'argent. En Allemagne, je m'en suis dernièrement aperçu à mes dépens. J'avais une lettre de crédit sur un certain Aloysius Schmidt de Vienne. Il m'a indignement friponné. Aussi me suis-je promis d'être sur mes gardes à l'avenir. J'ai donc pris une autre lettre de crédit sur Paris. Je voudrais que ton mari eût la bonté d'aller demander pour moi l'argent dont j'aurais besoin. Il en prendrait note, veillerait ainsi à mes intérêts, et grâce à toi, je ne serais plus exposé à tomber entre les griffes d'un nouvel Aloysius Schmidt. Rien de plus facile, ma chère Madeleine. Charles se substituera à toi par la lettre de crédit et il vérifiera de près tous tes comptes. Ce sera d'autant plus nécessaire qu'entre nous, l'on m'a dit que la personne sur qui l'on me donnait cette lettre de crédit était puissamment riche. Solvable autant que qui que ce fût, mais retors et arabe au dernier point. Tu fais bien de me prévenir. Charles redoublera de surveillance. Du reste, ton mari, qui est dans les affaires, doit connaître l'homme dont je parle. Il est, dit-on, l'un des plus grands capitalistes de France. Comment le nommes-tu? Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, répéta Madame Dutertre, et elle ne put s'empêcher de pâlir et de frissonner. La marquise, s'apercevant de l'émotion de son amie, lui dit vivement « Sophie, qu'as-tu donc ?»« Rien, rien, je t'assure. »« Je vois bien que tu as quelque chose. Je t'en prie, réponds-moi. »« Eh bien, s'il faut te le dire, mon mari a été en rapport d'affaires avec M. Pascal. Malheureusement, une assez grande mésintelligence s'en est suivie et... »« Comment, Sophie, tu es assez peu raisonnable pour t'impressionner aussi vivement de ce que, par suite de sa mésintelligence avec M. Pascal, ton mari ne peut sans doute me rendre le bon office que j'attends de lui. » Madame Dutertre, voulant laisser son amie dans son erreur, tâcha de redevenir calme et elle lui dit « En effet, cela me contrarie beaucoup de penser que Charles ne pourrait te rendre le premier service que tu nous demandes. » « Tiens, Sophie, tu me ferais presque regretter de m'être adressée si cordialement à toi, Madeleine. » « En vérité, ne voilà-t-il pas un beau malheur? Et d'ailleurs, afin de n'être pas trompé, je m'adresserai directement à ce monsieur Pascal, mais je lui demanderai mes comptes chaque semaine. Ton mari les examinera, et s'ils ne sont pas nets, je saurai parfaitement bien m'en plaindre à monsieur mon banquier et en prendre un autre. » « Tu as raison, Madeleine, » dit Sophie en reprenant peu à peu son sang-froid. « Et le contrôle de mon mari te sera en effet plus nécessaire que tu ne le penses. Ainsi, ce monsieur Pascal est un arabe ?» « Madeleine, » dit Madame Dutertre, sans pouvoir en ce moment vaincre son émotion, « je t'en conjure, laisse-moi te parler en ami, en cœur. Sous quelque raison, sous quelque prétexte que ce soit, ne te mets pas dans la dépendance de M. Pascal. Que veux-tu dire, Sophie? En un mot, s'il t'offre ses services, refuse-les. Ses services? Mais je n'ai aucun service à lui demander. J'ai une lettre de crédit sur lui. » J'irai ou j'enverrai prendre de l'argent à sa caisse lorsque j'en aurai besoin, voilà tout. Soit, mais enfin tu pourrais, par étourderie, par ignorance des affaires, outrepasser ton crédit, et alors? Et alors? Je sais cela par une personne qui nous l'a dit à Charles et à moi. Une fois que M. Pascal vous tient en sa dépendance, vois-tu, il abuse cruellement, oh bien cruellement, de son pouvoir. Allons, ma bonne Sophie. « Je vois que tu me prends pour une prodigue, pour une écervelée. Rassure-toi et admire-moi. J'ai tant d'ordre que chaque année, je fais quelques économies sur mon revenu. Et quoique minimes, ce sont des économies que je mettais à ta disposition. »« Cher et tendre ami, merci, mille fois merci. Je te le répète, la crise dont moi et mon mari nous nous préoccupons aura bientôt un terme. Mais encore une fois, défie-toi de M. Pascal. » Lorsque tu auras vu Antonine, je t'en dirai davantage. Encore, Antonine, tu m'en parlais aussi tout à l'heure à propos de l'Élysée. Oui, tout cela se tient. Tu le verras toi-même après-demain. Je m'expliquerai complètement. Ça sera très important pour Antonine. Après-demain donc, ma chère Sophie, tu irrites, je te l'avoue, beaucoup ma curiosité. et je cherche en vain à trouver ce qu'il peut y avoir de commun entre Antonine et l'Élysée. Entre Antonine et cet assez vilain homme, il y paraît du moins, qui s'appelle M. Pascal. 3h30 sonnèrent à l'horloge de la fabrique. « Mon Dieu, que je suis en retard !» dit Madeleine à son amie. « Je me sauve bien vite !» Non pas cependant sans avoir embrassé tes anges d'enfant. Les deux femmes quittèrent le salon. Nous reviendrons avec le lecteur à l'Élysée-Bourbon, où nous avons laissé l'archiduc seul après le départ de M. Pascal.